Alors voilà, j'ai 79€ et je voudrais quelque chose d'unique. Ah, vous tombez bien, j'ai ce superbe modèle de Santiago Galassé. Vous ne risquez pas d'en voir d'autres, hein. Oula, merci, mais... Sinon, en ce moment, pour 79€ par mois, vous avez la Toyota Aygo série limitée X-Pop avec connectivité smartphone et entretien inclus. Porte ouverte ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable dans le réseau participant et dans la limite de 500 exemplaires pour Aygo X-Pop en LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 1590€ sous condition de reprise plus de 10 ans, prime à la conversion de 1500€ déduite. Voir toyota.fr. Le cours de l'histoire... Xavier Mauduit. La carte postale est sublime. Oui, c'est un palais de marbre blanc, plus exactement un double palais, car il se reflète dans l'eau du bassin qui s'étend à ses pieds. Le Taj Mahal, trésor incontesté de l'humanité. Ici, tout est équilibre, pureté, sérénité. Quel mausolée peut se vanter de faire autant rêver? Car oui, il s'agit d'un mausolée que l'empereur moghol a fait construire en souvenir de son épouse adorée, morte trop jeune comme il se doit. Puisqu'il magnifie l'amour, puisque sa beauté est insaisissable, le Taj Mahal est compréhensible par tous, quelles que soient les cultures et les religions. Pourtant, ce fleuron du patrimoine de l'Inde, ce trésor né sous l'Empire moghol, est un enjeu politique dans un pays qui connaît actuellement une poussée nationaliste qui, mais oui, comme toujours, instrumentalise l'histoire. Mais qui veut donc la peau du Taj Mahal ? Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous rendons en Inde, l'Inde la plus grande démocratie du monde, l'Inde secouée par une poussée nationaliste. Cette semaine, nous fêtons les 90 ans de la marche du sel de Gandhi, une grande commémoration. La marche du sel, moment fort de manifestations non violentes, de désobéissance civile, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion, et puis vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire où vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aujourd'hui pour nous guider en Inde, mais particulièrement dans cet empire moghol. Vous êtes avec nous, Corinne Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS. Vous êtes l'auteur de « Pouvoir impérial et élite dans l'Inde moghole » de Jahangir, 1605-1627. C'est toujours bien de mettre les dates sur les couvertures d'ouvrages, c'est édité aux Indes savantes. Oui, il faut rappeler cet empire moghol, parce qu'on utilise le mot, juste sur l'origine du mot, parce qu'il y a mongol, moghol. Quelle est la différence ? Ben en fait, déjà, il faut dire que c'est un terme que les moghols eux-mêmes n'utilisaient jamais pour parler d'eux-mêmes, mais c'est un terme qui est une traduction en persan, qui était la langue de culture et d'administration de l'Empire, du terme mongol, puisque les moghols de l'Inde étaient des turco-mongols qui descendaient à la fois du turc Tamerlan et du mongol Genghis Khan, donc deux grands conquérants. Oui, et puis ce sont des noms qui évoquent tout de suite des choses à notre imaginaire. Hein, dès tout qu'on à dit fait. Genghis Khan, Tamerlan, tout de suite. Et puis l'Empire mongol mérite d'être étudié parce qu'il est au cœur du nationalisme indien d'aujourd'hui dans une manipulation, une instrumentalisation de l'histoire. Corinne Lefebvre, vous êtes également co-auteur d'un ouvrage intitulé « Histoire des pays de l'islam, de la conquête de Constantinople à l'âge des révolutions » chez Armand Collin. Et donc, nous allons replacer avec vous l'histoire au cœur de la politique indienne de nos jours. Et pour en parler, Harit Joshi, vous êtes avec nous ce matin également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en hindi à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, autrement dit l'INALCO, les longues eaux, où vous enseignez l'histoire de l'Inde ancienne et médiévale. Vous avez soutenu une thèse qui porte sur le cérémonial de cour en Inde moghole, donc 16e siècle, 19e siècle. Oui, parce qu'il faut rappeler les bornes chronologiques de l'Empire moghol. C'est bon, il y a un début, on le situe au 16e siècle. Hein. Disons que l'Empire moghol donc, a été fondé par Babur, qui l'a fait en 1526, et la dynastie a certes continué jusqu'à 1857, mais ce sont les premiers 6 souverains de la dynastie que nous appelons les Grands Moghols. Donc, en effet, vous avez raison, c'est de 1526 à 1707, la période des Grands Moghols. C'est donc une longue durée qui marque profondément le pays. Vous êtes co-auteur de Villes et fleuves en Asie du Sud, regard croisé aux éditions de l'INALCO. Mais pour le moment, pour aller en Inde, je vous propose de jeter une oreille sur un reportage de la 3e chaîne de télévision française. C'était en 1976, avec cette terrible question: l'Inde existe-t-elle? L'Inde n'existe pas, disaient les Anglais au siècle dernier. 600 millions d'habitants, toute une mosaïque de races, de langues, de religions. Plus de 200 dialectes, 7 religions, 3000 castes et sous-castes. Dans la capitale New Delhi, toutes les races se mélangent dans un grouillement perpétuel. Au cours de son histoire, l'Inde a été envahie par les Aryens, les Perses, les Grecs, les Huns, les Musulmans, les Mongols, et finalement par les Anglais. Pourtant, ce continent, cet univers, est devenu une nation. Non sans mal. Il lui a fallu 5000 ans pour réaliser son unité. Curieusement, ce sont les envahisseurs étrangers qui la lui ont imposée. En 1976, sur la 3e chaîne de la télévision française, il y avait cette réflexion intéressante sur comment a pu se constituer une nation aussi grande que l'Inde, avec cette évocation d'un carrefour, en fait, d'un lieu de passage de civilisation. Je voudrais vous poser déjà une question, parce que nous allons parler de l'Empire moghol, qui s'étend du 16e siècle au 19e siècle et qui marque profondément l'Inde, juste pour savoir ce qu'il y avait avant. La question du nationalisme en Inde aujourd'hui tient à des questions religieuses, et notamment à l'islam. L'islam était déjà présente dans l'Inde du Nord avant le XVIe siècle, Corinne Lefebvre. Oui, tout à fait, et pas seulement en Inde du Nord. Les premières implantations musulmanes, elles remontent à peu de temps après la création de l'islam. Ce fut d'abord des communautés marchandes littorales sur la côte occidentale de l'Inde. Et puis surtout, ce qui est mieux connu, c'est à partir du XIe siècle, venant du Nord-Ouest, des guerriers, des cavaliers turcs qui vont commencer à s'implanter à Lahore, puis à Delhi, et donner naissance aux précurseurs de l'Empire moghol, c'est-à-dire le sultanat de Delhi, donc grosso modo du début du 12e siècle jusqu'à l'avènement de l'Empire moghol au 16e siècle, et qui a eu aussi des moments où il a été très loin dans le sud. Mais il est vrai que c'est l'Inde du Nord en majorité qui est sous l'influence musulmane à partir de ce 11e siècle. Oui, si l'on regarde une carte de l'Inde au XVIe siècle, on voit une carte des religions en Inde. Hein, il va y avoir le sud qui va être marqué par l'hindouisme et puis le nord par une présence déjà de l'islam. Dites-nous, Harit Joshi, est-ce que ces sultanats sont importants pour comprendre l'arrivée des Moghols au XVIe siècle, dans le sens où il y a déjà des structures liées à une religion, l'islam? Tout à fait. Déjà, précisons que lorsque nous parlons du sultanat de Delhi, on parle donc de cette série de dynasties. Il n'y en a pas une seule, mais il y en a plusieurs qui vont donc régner pendant environ 330 ans sur l'Inde du Nord et l'Inde centrale. Donc, parmi ces sultans, il y en a donc un certain nombre de gens qui viennent essentiellement de ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan. Hein, et donc avant l'implantation des Moghols, il y a un certain nombre de dynasties qui se succèdent, notamment en Inde du Nord et en Inde centrale, qui vont mettre en place un système d'administration qui est tout à fait efficace et dont en effet vont en partie s'inspirer les souverains moghols. La question est importante parce qu'au moment où arrivent les Moghols au XVIe siècle, le fait d'être dans un pays où il y a déjà l'islam transforme cette vision que les nationalistes peuvent présenter encore aujourd'hui, celle d'envahisseurs moghols. Quelle lecture vous avez, ce regard historique qui est nécessaire sur la question qui est aujourd'hui apportée, mais qui dure dans la construction du nationalisme hindou, sur l'arrivée d'envahisseurs moghols? Sont-ils étrangers en fait? Alors, c'est vrai que c'est ce que le discours nationaliste que nous entendons de plus en plus, depuis un certain nombre d'années, cherche à nous dire. Cela dit, la plupart des historiens sont d'accord sur le fait que les souverains moghols sont certes des gens venant d'ailleurs, c'est le cas de Babur, mais ils vont assez vite s'indianiser en quelque sorte. C'est-à-dire que dès les successeurs de Babur, et notamment dès son petit-fils, Akbar, qui est sans doute le plus grand sultan empereur, Bachar, comme on dit à l'époque, l'Inde a jamais connu, au moins parmi les dynasties musulmanes, c'est un personnage qui affirme avec fierté le fait qu'il est indien, même si c'est son ancêtre venait d'ailleurs. Donc, accuser tel que le font les nationalistes, les moghols, d'être des méchants, entre guillemets, envahisseurs, qui sont venus d'ailleurs, qui ont réduit en quelque sorte la population indienne en quasi-esclavage, est un discours erroné. Harit Joshi, vous avez cité un nom, celui de Babur, Babur le tigre. Et je vous propose une très belle archive de 1949, l'émission Heure de culture française, diffusé à la radio-diffusion télévision française, c'était le 24 octobre 1949, où il était question de ce personnage incroyable de Babur. Babur, le tigre. D'origine doublement illustre, et il ne permit jamais qu'on l'oublia, Babur, par son père, descendait de Tamerlan à la 5e génération, et par sa mère, de Genghis Khan à la 16e. C'était donc un turco-mongol. Et tout de suite, on s'en aperçoit, à son large mépris de la vie humaine et à la sérénité avec laquelle il lui arrive d'ordonner un massacre général des prisonniers afin de dresser, pour l'exemple, une pyramide faite de leurs têtes coupées. Ne vous évanouissez pas d'horreur, ne quittez même pas l'écoute. C'était la mode de ce temps-là. Et cette férocité héréditaire n'empêche nullement ce guerrier intrépide, cavalier infatigable, adroit archer, bon sabreur et grand buveur, d'être un homme bien élevé, cultivé, d'humeur gaie et sociable, au demeurant le meilleur compagnon du monde. Alfred Fouché dans l'émission Heure de culture française en octobre 1949. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à l'Empire moghol parce qu'il nous fait rêver cet Empire moghol. Faut être honnête, nous le connaissons moins que d'autres périodes historiques ou moins que d'autres régions historiques. Et pourtant, il y a quelque chose tout de suite qui titille l'esprit. C'est un peu ce qu'on entend ici dans cette archive. En fait, il y a énormément de fantasmes. Corinne Lefebvre, vous voyez rigoler en écoutant cette archive. Oui, le rugissement du tigre pour évoquer Babur et la conquête de l'Inde, effectivement, il y a de quoi rire en 2020, mais en même temps, ça évoque aussi des topoi historiographiques qui remontent loin, mais dont voilà, on va pas retourner peut-être carrément aux orientalistes du XVIIe siècle, mais il y a quand même aussi une image très négative dont vous parliez tout à l'heure à l'époque nationaliste, mais dont on trouve aussi les racines à l'époque coloniale. Pas dans la première période, pas au XVIIIe siècle, je dirais pas jusqu'au milieu du XIXe siècle, mais à partir de cette époque-là, alors que les Anglais, dans un premier temps, ont cherché à s'inscrire pour partie dans la continuité de l'Empire moghol, posaient sur lui un regard relativement bienveillant. À partir du milieu du 19e, pour caricaturer un petit peu, on va avoir vraiment cette rhétorique de mission civilisatrice des Britanniques, qu'ils allaient restaurer leur agentivité aux hindous qui avaient été persécutés par les musulmans. Et donc c'est également dans ce sillage-là que les nationalistes hindous s'inscrivent. ce qui est l'opposé de l'unité de l'Inde que va proposer en 1947 et dans les années suivantes Jawaharlal Nehru, le premier ministre indien de l'Inde, qui lui au contraire voyait dans les Moghols, en particulier dans la figure d'Akbar qu'a évoqué Harit, des sortes de proto-nationalistes qui avaient été des fondateurs d'une unité transcendant la diversité religieuse notamment de l'Inde, et que cette unité avait été brisée par le pouvoir colonial. C'est vrai qu'en regardant cet empire moghol, nous sentons combien il y a les faits historiques, et il y a une relecture sans cesse. Vous avez évoqué, Corinne Lefebvre, la période de la colonisation britannique et puis le nationalisme indien. Cet empire moghol est lu de plein de manières. Pourtant, quel est-il quand il se met en place? Nous sommes donc au nord de l'Inde, au XVIe siècle, quand ces Moghols arrivent et s'installent. Quel type de pouvoir installent-ils? Ils ont une volonté de fusion avec ce qui existe déjà, les sultanats, donc musulmans, mais une réelle présence des populations qui sont indiennes, hindoues. Donc, les Moghols sont, comme on disait, arrivés en Inde en 1526. C'est à cette période-là que Babur a battu l'armée du dernier des sultans de Delhi. Babur a à sa disposition environ 12 000 soldats, alors que l'armée des sultans est beaucoup plus importante, environ 100 000 soldats. Donc, Babur va remporter cette bataille, et à la suite de cette bataille, il va donc devenir un homme extrêmement riche. Donc, un certain nombre de ces hommes de confiance souhaitent d'ailleurs rentrer en Afghanistan, d'où il est venu, parce qu'ils estiment que l'Inde est un pays qui ne leur plaît pas pour différentes raisons. Mais Babur se rend compte de la richesse de l'Inde, du fait qu'il y a énormément d'argent à faire dans ce pays, beaucoup plus fertile par rapport à la vallée de Ferghana, de l'Asie centrale. Ce sont des régions dont il est originaire. Et il est conscient du fait que en mettant en valeur, et surtout ses successeurs après lui, cette espèce d'appartenance à cette lignée dont parlait Corinne, double lignée, aussi bien descendant de Genghis Khan que de Tamerlan, ils pourront en effet se singulariser, se distinguer par rapport au régime précédent, et c'est ce qu'ils vont se mettre à faire. Alors, dans un premier temps, ça va être un travail qui va prendre du temps, parce que Babur, il meurt 4 ans après son arrivée en Inde. Son fils Humayun connaîtra un destin assez mouvementé, il va régner pendant quelques années, et ensuite il sera chassé de l'Inde par les Afghans, qui sont toujours présents et qui veulent à tout prix faire partir ces personnes de l'Inde, qui est un pays où ces dynasties d'origine afghane ont régné déjà par le passé pendant un certain nombre d'années. Et Humayun va être obligé donc de quitter l'Inde, il va errer un peu partout, y compris en Iran pendant 15 ans, et à son retour, il va mourir malheureusement pour lui. Donc c'est à son fils Akbar que revient ce travail tout à fait important de se mettre en place l'immense machinerie administrative moghole. Et c'est ce qu'il va faire pendant presque 50 ans pendant lesquels il va régner sur le pays. Il est essentiel de rappeler que la simplification chronologique nécessite un peu de recul. L'arrivée des Moghols en 1526, c'est pas un claquement de doigts et un changement. Il y a une mise en place assez longue. Corinne Lefebvre, comment s'installent ces Moghols en Inde du Nord? Ce qui est intéressant de voir, si on déroule l'histoire moghole durant le premier siècle de sa présence, ce qu'il faut bien comprendre, comme Harit l'a dit, c'est que Babur, donc, lui, est originaire de l'actuel Ouzbékistan, dont il a été chassé. Il va faire une première étape à Kaboul, donc à l'actuel Afghanistan, où il va fonder un royaume. Et rapidement, il va se rendre compte de l'intérêt. Enfin, il cherche à être roi, il cherche un royaume, et il va se rendre compte de l'intérêt de s'établir en Inde. Donc, quand il arrive en Inde, l'essentiel de ses supporters, ce sont des gens d'Asie centrale, du Turan, comme on dit dans les textes indo-persans de cette époque. C'est vraiment ce qui va devenir, au fur et à mesure de l'expansion et de la consolidation de l'Empire, la vieille garde de l'Empire. Mais on ne peut pas bâtir un empire en Inde uniquement avec des gens qui viennent de l'Asie centrale. Donc il va aussi, comme a dit Harit, il y a ce séjour d'Humayun en Iran, cet exil. Avec lui, il va ramener des gens de lettres, beaucoup d'artistes peintres. Il va également ramener des administrateurs. Et donc, on a une élite cosmopolite qui est en train de se mettre en place, mais aussi quand Akbar reprend l'expansion de l'Empire et va commencer à lui donner une dimension véritablement continentale, se pose bien sûr la question de la cooptation des élites locales. Et là, l'alliance... Enfin, qui est faite aussi de rapports de force, de batailles, de sièges. La plus connue, c'est celle entre les Moghols et les principautés Rajputes du Rajasthan. Et là, à partir des années 1560, en fait, voilà, c'est là aussi, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du topos historiographique, mais qui n'en renvoie pas moins à une réalité. Akbar va épouser la fille d'un raja hindou du Rajasthan, dont le fils, Jahangir, sera le premier empereur moghol métis de la dynastie, ce qui renvoie à ce processus plus global d'indigénisation de la dynastie. Et bien, pour illustrer vos propos, Corinne Lefebvre, je vous propose... un film historique indien, donc nous sommes à Bollywood. Ce film s'intitule Jodha Akbar, donc ça parle justement de ce souverain moghol que vous évoquez. Akbar, c'est un film réalisé par Ashutosh Gawarikar. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est en 2008. Oui, ah, bah si, Harit Joshi, vous me dites que c'est bien, j'en suis très fier. Et ça évoque, en fait, cet empereur moghol, Akbar, qui au XVIe siècle avance, fait des conquêtes, mais en même temps fait des conquêtes amoureuses, puisqu'il épouse une princesse qui montre cette fusion entre les musulmans et les hindous. Et maintenant, voici l'an 1555. La dynastie moghole est presque éteinte en raison de la mort accidentelle de l'empereur Humayun. Saisissant l'occasion, le roi Emu monte sur le trône de Delhi. Une grande bataille a lieu à Panipat. C'est votre courage qui nous conduira à la victoire. Moi, Behram Khan, fidèle serviteur de la dynastie moghole, j'ose vous rappeler une fois encore que l'avenir des Moghols est entre vos mains. Je sais que vous en êtes digne. Votre père, l'empereur Humayun, jusqu'à son dernier souffle, avait un seul rêve. Voir le drapeau moghol flotter sur l'Hindoustan. Avec la volonté d'Allah, ce sera vous qui accomplirez son rêve. Vive l'empereur ! Vive l'empereur ! Longue vie à Jalaluddin Muhammad ! Un film indien de 2008, Jodha Akbar, qui raconte l'histoire de ce souverain moghol Akbar, empereur musulman qui épouse la princesse Rajput Jodha. Et nous avons donc ici un film contemporain qui utilise des procédés historiques, qui évoque l'empire moghol. Je voulais savoir, Harit Joshi, cet empire moghol est toujours dans les souvenirs des Indiens, ne serait-ce que par l'architecture, par les bâtiments, par l'histoire. Et puis alors là, nous avons des belles histoires, puisqu'il y a de l'amour, donc ça fait tout de suite des beaux scénarios de films. Tout à fait, hein, le cinéma indien s'est depuis toujours inspiré des mythes qu'il a trouvés dans l'histoire de la dynastie moghole. Les souverains moghols ont été à plusieurs reprises les sujets des thèmes aussi bien dans le cinéma indien que dans d'autres films, dans d'autres langues du pays. Alors, ce que nous constatons dans ce film à grand budget, hein, Jodha Akbar, qui est un film qui a eu un grand succès, c'est ce discours assez nationaliste quand même, hein, cette volonté de montrer un souverain moghol, Akbar, hein, donc musulman, qui, afin de bien régner sur le pays, afin de fermement imposer son autorité sur le pays, fait cette alliance avec les hindous, hein, les habitants du pays, de la région du Rajasthan, et il y a cette volonté de montrer que c'était un bon roi. Akbar a toujours eu cette image en Inde d'un bon roi musulman qui a régné dans le pays, mais grâce à ce soutien que les hindous lui ont apporté. Hein. Et ce qui est un contraste par rapport à l'image qu'a un de ses descendants, le sixième et dernier des grands mongols qui s'appelle Aurangzeb, qui donc c'est le fils de celui qui a construit le Taj Mahal, hein, si vous voulez, et qui a toujours été vu comme étant le méchant souverain dans l'historiographie indienne. Donc on voit ici des espèces de pôles qui sont très marquants, et ce phénomène est tout à fait visible dans le film dont vous venez de nous montrer l'extrait. Et notre question aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est de comprendre comment l'histoire est utilisée dans les nationalismes en Inde, le nationalisme hindou particulièrement, avec cette évocation de l'Empire Mogol, donc qui se met en place au XVIe siècle, qui dure jusqu'au XIXe siècle. Un empire complexe, puisqu'il est relu à différents moments, lors de la colonisation britannique et après l'indépendance indienne, aujourd'hui par les nationalismes. Et pourtant, le travail de l'historien, de l'historienne, c'est de regarder ce qu'il était. Et pour cela, il faut jeter un œil aux sources. Et parmi les sources, nous avons des textes, une autobiographie. Alors, Jahangir Nama, c'est bien comme ça qu'on dit c'est une forme de texte autobiographique est produite donc par le quatrième empereur moghol. Et vous le connaissez bien, cet empereur, Corinne Lefebvre, vu que vous avez écrit un ouvrage sur lui. Il s'appelle, cet empereur moghol, Jahangir. Et l'extrait de cette autobiographie nous est lu ce matin en direct dans le cours de l'histoire sur France Culture par Olivier Martineau. Les adhérents à diverses religions avaient tous une place dans la grande étendue de son incomparable empire. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays du monde, comme l'Iran, où il n'y a de place que pour les chiites, et comme en Roum, en Hindoustan et dans le Touran, où il n'y a de place que pour les sunnites. Tous les groupes et tous les pratiquants de toutes les religions ont une place au sein du vaste cercle de la miséricorde divine. De même, en accord avec le principe selon lequel l'ombre doit suivre sa source, dans le royaume de mon père que seule la mer salée limitait, il y avait de la place pour les pratiquants de diverses sectes et pour les croyances parfaites et imparfaites, et les querelles étaient interdites. Les sunnites et les chiites priaient dans une même mosquée, et les francs et les juifs au sein d'une même assemblée. La conciliation universelle était sa manière d'être établie. Il conversait avec ceux qui étaient bons dans chaque groupe, dans chaque religion et dans chaque secte, et prêtait attention à chacun selon sa position et sa capacité à comprendre. Un extrait de l'autobiographie du quatrième empereur moghol, Jahangir. Donc on est au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle. Un extrait qui nous a été lu par Olivier Martineau. Dites-nous, Corinne Lefebvre, bien sûr, ici nous avons un texte qui est orienté. Nous sommes vraiment dans une construction d'un monde parfait, un monde où toutes les communautés vivent sereinement. Le contraste est saisissant avec l'image qui a été construite par les nationalistes, montrant les moghols venus et qui ont transformé les hindous en esclaves, tout simplement. Quelle est la lecture que vous avez, en fait, entre ces deux mouvements diamétralement opposés ? Alors oui, c'est vraiment un texte intéressant. Alors bien sûr, c'est un texte qu'on pourrait dire de propagande, puisque c'est un écrit impérial qui était destiné à large diffusion, dans lequel on entend l'empereur s'enorgueillir du fait que une forme de tolérance entre guillemets prévalait dans son empire, au contraire de ce qui se passait dans l'Iran safavide de l'époque, où effectivement le chiisme était c'était la religion d'État, de ce qui se passait dans le Roum, c'est-à-dire dans l'Empire ottoman, et donc qui présente en fait son empire au contraire comme un endroit, un havre de paix où on peut discuter ensemble de différentes religions. Et tout cela s'insère donc dans la nécrologie qu'il présente de son père Akbar. Donc il s'inscrit lui-même dans cet héritage. Alors, d'un côté, d'une part, on ne peut pas, c'est un constat aussi, si on fait une petite lecture comparative de ce qui se passait en Inde moghole au XVIIe siècle et de la situation religieuse en Europe à la même époque, on n'est pas du tout dans la même situation. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans une optique de tolérance. Souvent, on parle de la tolérance des Moghols. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, dans la mesure où l'empereur ne tolère pas, il englobe, si vous voulez, l'ensemble des confessions, des religions, des croyances qui sont présentes à l'intérieur de l'Empire, que ça soit les divisions à l'intérieur de l'islam, sunnite, chiite, les différentes écoles hindoues, les jaïnes, les parsis, les chrétiens. Akbar est également très connu pour avoir organisé des disputations téléologiques, théologique. La téléologie, c'est le piège pour l'historien. Téléologique au sein de la cour. Et après l'histoire, donc ça c'est le beau côté et réel côté de l'Empire moghol, mais il faut pas non plus tomber dans le politiquement correct inverse à celui des nationalistes hindous. Cette histoire de l'Empire moghol, il y a aussi eu des violences religieuses ponctuelles mais réelles. Il y a eu également des leaders religieux exécutés, des temples détruits, mais dans tous les cas qui ont été répertoriés, il est vraiment très très rare que seul le facteur religieux ait été en jeu. Il y a toujours eu du politique dans ce qui s'est passé. Oui, c'est toujours compliqué hein, quand il y a de la répression, de savoir si l'on réprime quelqu'un pour son rôle politique ou simplement pour sa religion. Et puis, dans cet empire moghol qui nous intéresse et qui s'étend du XVIe siècle au XIXe siècle en Inde, qui s'étend dans les deux sens d'ailleurs, sur la durée, et puis tout doucement, il étend son pouvoir sur l'ensemble du sous-continent indien, il y a un foisonnement culturel, un exemple musical, un exemple chanté, un exemple en poésie, avec le groupe Nazami Bandhu qui nous replonge dans la poésie que l'on pouvait entendre en Inde au XIVe siècle. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. ¡Vamos! Le groupe Nizami Bandou dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Théo Gomard. Et le cours de l'histoire aujourd'hui se trouve en Inde et plus précisément sous l'Empire Moghol, c'est-à-dire que nous sommes entre le 16e siècle et le 19e siècle, un empire marqué par une religion, empire musulman, mais dans un pays où la population est hindou, avec, nous entendons ici, c'est un poète hein, qui est magnifié à travers ce qui passe derrière ma parole, Nizamundi Aliya. Alors, qui est-il? Et déjà, corrigez-moi la prononciation, Corinne Lefebvre. Nizamuddin Aulia, c'est un saint soufi du XIVe siècle. Donc là, on n'est plus dans l'Empire moghol, on est bien avant, à l'époque du sultanat de Delhi. Et c'est une des figures majeures de la confrérie soufie de la Chishtiya, qui est connue notamment en Inde pour justement son ouverture aux traditions religieuses non musulmanes. Et les dialogues qu'elle a poursuivis avec les yogis, les hindous, et qui cherche aussi vraiment une entente avec son environnement indien non musulman, à travers la recherche d'un dieu unique qui est également présent dans l'hindouisme. Harit Joshi, nous entendons bien ici hein, qu'il y a avant même l'arrivée des Moghols, une discussion entre les religions qui se poursuit sous l'Empire moghol. Donc là aussi, vous, dans l'analyse que vous pouvez faire historique du dialogue entre les religions sous l'Empire moghol, il n'y a pas, ce que peuvent présenter les nationalistes parfois, une opposition radicale avec, on va dire, l'islam conquérante qui a servi ou qui veut faire disparaître les autres religions. Tout à fait. Hein. Comme vous disiez, ce dialogue existait déjà bel et bien avant l'avènement des Moghols en Inde. Et ce personnage soufi, Nizamuddin Aulia, qui est toujours vu en Inde comme étant un des plus grands mystiques de l'ordre soufi. Hein. Et son darga, son mausolée à Delhi, est toujours fréquenté par un nombre tout à fait important de pèlerins. Certes, pour la plupart musulmans, mais aussi des hindous qui s'y rendent. Est un cas qui montre que ce dialogue était en train de se produire avant l'arrivée des Moghols. Et la confrérie à laquelle il appartient, la Chishtiya, qui est d'origine afghane, aura un succès même après l'installation des Moghols en Inde. Par exemple, les empereurs moghols, aussi bien Akbar que ses successeurs, vont se rendre à ces endroits où sont enterrés ces personnages soufis, donc y compris Nizamuddin dont on parle en ce moment, et ils vont en être des adeptes. Hein, ils vont véritablement jouer un rôle important en ce qui concerne les dons de terre qu'ils vont faire à ces hospices, en ce qui concerne le fait de faire écrire des ouvrages consacrés à leur vie, à leur carrière, à leur enseignement. Donc, en effet, les Moghols sont en train de poursuivre une tradition qui existe déjà depuis le sultanat, de dialogue entre l'islam et l'hindouisme. Et les Moghols vont le faire avec un succès tout à fait important. Corinne Lefebvre. Oui, juste pour rajouter à ce que, puisque Harit évoque le patronage et le don de terre à ces hospices mausolées soufis. Il faut aussi mentionner qu'on n'est pas seulement dans le dialogue religieux et que les Moghols ont également patronné des temples hindous, notamment donc vers dans la région de Mathura, Vrindavan, qui est juste à côté d'Agra. Il y a un certain nombre d'établissements vishnouites qui ont été financés par les Moghols. Donc ça n'apparaît pas dans les chroniques, mais heureusement, on a un certain nombre de documents de ces établissements qui nous sont parvenus et qui nous montrent qu'on n'est pas seulement dans une sorte de mise en scène de tolérance impériale, mais que ça se traduit également dans les pratiques de patronage. Et que l'on ne retrouve pas, j'imagine, ces financements dans le discours nationaliste aujourd'hui, ce qui poserait vraiment un problème dans cette construction d'un discours. Et nous parlons beaucoup aujourd'hui de l'islam et de l'hindouisme, ces deux religions qui se rencontrent et qui dialoguent en Inde sous l'Empire moghol. C'est vrai qu'on pourrions décliner, parce que là c'est une lecture assez simple. Il y a le bouddhisme aussi qui est présent en Inde, mais qui a tendance à disparaître et à descendre vers Ceylan, vers le Sri Lanka. Et puis il y a d'autres religions qui arrivent au XVIIe siècle, d'autres religions notamment par les Européens. Nous allons écouter la lecture d'un extrait, un voyage aux Indes orientales, un ouvrage de 1655 écrit par Edward Terry, pasteur protestant, et j'insiste sur le fait qu'il soit protestant, car cela explique un peu sa vision de l'Inde. C'est une lecture en direct par Olivier Martineau. C'est une chose très triste et horrible de considérer le scandale qui est ici infligé à la religion chrétienne par le relâchement, la négligence et les extravagances de nombre de ceux qui viennent parmi ce peuple en se déclarant chrétiens. J'ai souvent entendu les indigènes parler ainsi, dans l'anglais estropié qu'ils ont appris. Religion chrétienne, religion du diable. Chrétien boit beaucoup, fait beaucoup de mal, frappe beaucoup, insulte beaucoup les autres. Le principal but de mon récit était de faire honte à cette nation par le comportement des païens. Et tout comme Dieu instruit l'homme par le bœuf et l'âne, les Anglais peuvent apprendre plus encore des hommes d'un peuple qui, bien qu'étranger et lointain, est cependant doué de raison. Le pasteur protestant Edward Terry qui écrit en 1655 « Voyage aux Indes orientales ». Alors bien sûr, nous connaissons pour cet empire moghol l'islam qui est présent. Nous connaissons également les hindous, les hindouistes qui sont là, qui sont présents. Et puis arrivent d'autres religions. Corinne Lefebvre, quel changement peut avoir l'arrivée des Occidentaux dans la lecture qui se construit ou dans le dialogue qui existe entre les religions? Il va y avoir une instrumentalisation, on va dire, des clivages possibles pour assurer sa domination. C'est une pratique traditionnelle du colonialisme britannique, s'appuyer sur les uns, créer des rivalités. Alors, pour répondre à une première partie de votre question, alors le christianisme est présent en Inde bien avant des siècles auparavant l'arrivée des Moghols en Inde. Mais pour ce qui est de l'arrivée du christianisme en terre moghole, il faut remonter aux années 1580 et en 1580 même, puisque c'est la date de l'arrivée à la cour de la première mission jésuite. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, cette première mission va donner lieu à des débats, mais elle va également donner lieu à des traductions, puisque cette mission est celle qui vont la suivre jusque dans les années 1610, puisque donc Akbar et son successeur Jahangir vont demander aux missionnaires de traduire en persan les évangiles, des vies du Christ, des histoires des apôtres, et on conserve voilà toute une série de manuscrits de littérature catéchétique qui vont alimenter le dialogue entre chrétiens et musulmans à la cour moghole. Alors on peut parler d'une instrumentalisation de ce pluralisme religieux à la cour moghole, mais c'est le contraire d'une certaine façon du divide and rule de la période britannique, puisque au contraire, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'extrait de l'autobiographie de Jahangir, cette incorporation de la diversité religieuse de l'Empire qui sert à l'empereur pour s'auto-magnifier par rapport au reste du monde. Et ce même Edward Terry, dont on vient d'entendre un passage du livre, c'est très intéressant, parce que dans ce récit, il dresse également un portrait de l'Empire moghol comme un havre de paix, et lui-même fait la distinction, enfin souligne le contraste entre la situation en Inde au début du XVIIe siècle et en Europe à la même époque. l'époque. Oui, c'est ça. On ne peut pas déjà prendre l'ensemble de l'Empire moghol comme un tout. Il y a des évolutions. Et puis, dans cette construction que nous avons du pouvoir moghol, il y a les bâtiments, et notamment un qu'il faut obligatoirement évoquer, qui est le Taj Mahal. Donc Taj Mahal, qui est un mausolée sublime. Je disais qu'il pouvait être connu par tous par sa beauté, et pourtant aujourd'hui, il pose des problèmes, le Taj Mahal. Vous pouvez nous les expliquer, Hari Joshi. C'est-à-dire que le Taj Mahal pose problème parce qu'il est moghol. Oui, ça paraît très étrange parce que ce monument, qui est certainement le plus beau monument que nous avons en Inde, est sans doute un des plus beaux monuments qui se trouvent dans le monde entier, pose, comme vous dites, un problème pour le régime actuel qui, précisons-le, c'est notamment un personnage qui est donc le chef ministre ou le ministre en chef de l'État où se trouve le Taj Mahal qui s'y est opposé. Alors, sachant que donc le Taj Mahal est dans l'état de Uttar Pradesh, qui est l'état le plus peuplé de l'Inde, qui est un état de 200 millions d'habitants, dont un cinquième à peu près sont musulmans. Et depuis 2017, il y a le parti de droite qui est en pouvoir et le chef ministre ou le ministre en chef est un ascète hindou qui s'est recyclé en politique. Et selon son discours, le Taj Mahal est un monument qui représente qui ne représente pas l'essence de son pays, de la région dont il est ministre en chef, et que c'est un symbole en quelque sorte de cette présence étrangère qui a réduit le pays en esclavage. Donc, afin de manifester son sentiment de méfiance vis-à-vis du Taj Mahal, il a pris un certain nombre de mesures qui sont tout à fait controverses, notamment celles qui consistent à enlever le Taj Mahal d'une brochure touristique, une brochure destinée aux visiteurs indiens et étrangers souhaitant se rendre dans son état. Il n'y avait pas de mention non plus du Taj Mahal dans cette brochure qui est tout à fait étrange et est tout à fait étonnant. Non seulement ça, il y avait une décision qui a été prise par son gouvernement qui disait que au lieu de offrir des espèces de modèles du Taj Mahal aux visiteurs, aux dignitaires étrangers se rendant à Agra, la ville où se trouve le Taj Mahal, c'était plus correct de leur offrir des exemplaires, des épopées hindoues qui, selon lui, sont plus conformes à la culture indienne. Donc, un mausolée, donc musulman, et selon lui, vu comme étant pas quelque chose qui incarne l'essence, l'esprit de l'Inde, alors que d'autres objets comme les exemplaires des épopées hindoues le sont. Oui, et donc vous voyez vous aussi, Corinne Lefebvre, cette utilisation de l'Empire moghol par certains nationalistes un peu extrémistes en Inde pour montrer en fait un ennemi. L'ennemi, c'est cet Empire moghol et donc les musulmans, quoi. Bon, on peut prendre un autre exemple, outre celui de l'exclusion du Taj Mahal de la brochure de l'Uttar Pradesh. En 2015, le BJP a également décidé de rebaptiser une avenue de Delhi qui s'appelait Aurangzeb Road, donc du nom du dernier grand moghol qu'a mentionné Harit tout à l'heure, celui qui a la plus mauvaise presse. Je ne sais pas s'ils auraient osé faire ça pour Akbar Road. Mais donc, voilà, on est face, il y a à la fois une politique d'effacement de l'héritage moghol et aussi de diabolisation de cette période de l'histoire. Merci beaucoup Corinne Lefebvre, merci beaucoup Hari Joshi de nous avoir éclairé sur l'Empire moghol. Bon, les auditeurs de France Culture savent que le Taj Mahal vient du monde musulman. C'est un monument musulman. Mais pour la plupart des gens au monde, disent « Ah, c'est indien, donc c'est dommage de le retirer des brochures indiennes. Même les hindous pourraient en profiter. » Enfin bon, merci beaucoup de votre éclairage sur cet empire moghol utilisé aujourd'hui par les nationalistes indiens. Il est temps, dans le cours de l'histoire sur France Culture, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'Histoire, un plaidoyer pour le respect des momies. Sur Radio-Canada, l'historienne Evelyne Ferron, au micro de Franco Nuovo, a fait part avec un certain humour de sa lassitude face à la spectacularisation de la recherche et à ses excès. Écoutez, voilà ce qui était en cause. Vous venez d'entendre ce qui pourrait être la voix de Nesyamon, prêtre et scribe égyptien, qui travaillait au temple de Karnak sous le règne de Ramsès XI, mort il y a 3000 ans et dont la momie a été retrouvée en 1824. Ou plus exactement, il s'agit d'un son produit par une équipe de chercheurs américains et britanniques qui ont publié leur expérience dans la revue Scientific Reports. Ils y relatent comment, après avoir imprimé en 3D le tractus vocal de la momie, c'est-à-dire les parties molles de la gorge, et avec l'aide d'un larynx électronique, ils ont produit ces voyelles tout à fait sinistres. Bon, on se demande bien évidemment quel est l'intérêt scientifique de la démarche, et Evelyne Ferron évoque les questions élémentaires d'éthique qu'elle soulève. L'archéologie et l'histoire ont des moyens plus dignes de faire parler les morts qu'en manipulant leurs cadavres pour leur faire émettre un son, non pas d'homme, mais de mort. Laissons Hollywood faire crier les momies de fiction sans entrave. À Pompéi, les questions d'éthique ont vu le jour également avec une vaste opération de restauration des plâtres de Pompéi. Ces moulages, c'était l'idée de l'archéologue et numismate Giuseppe Fiorelli. En versant du plâtre liquide dans les cavités formées par les cadavres décomposés sous les dépôts volcaniques, il a obtenu les formes des victimes de la célèbre éruption volcanique. Ces moulages constituent un peuple de plâtres qui habite une partie des ruines de la ville engloutie, dont sont friands les touristes. Ce ne sont pas des squelettes, mais des silhouettes entières dans la posture où la mort les a surpris, une empreinte humaine de la catastrophe, mais des objets fragiles qui se désagrègent 150 ans après leur fabrication. À l'occasion de leur restauration dans le cadre du programme Great Pompeii Project, de nombreuses analyses ont pu être faites avec les moyens techniques du XXIe siècle sur ces corps surnommés jusque-là par leur posture caractéristique. La femme enceinte, l'homme assis, le groupe de jeunes filles, la famille ou les amants de Pompéi. Résultat des courses, parmi les ragazze se trouve au moins un homme et les amants sont en l'occurrence deux hommes également. Tandis que le groupe nommé « la famille » est composé d'individus aux ADN divergents. Des résultats qui contredisent l'évidence symbolique aux yeux des chercheurs du XIXe siècle, mais aussi une manière de restituer une part de leur identité à ces dépouilles et de considérer ces vestiges comme des corps humains aussi, sans tenter de les transformer en morts vivants. Merci Anaïs pour l'évocation de ces moulages de Pompéi et puis pour ces momies sur la parole des momies. Retrouvons le journal de l'Histoire et tous les liens utiles sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscane-Viodès, Marion Dupont-Camille, André Aurore Juvenel et la programmation est réalisée par Amélie Perrault. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'Histoire, franceculture.fr ou bien la balado-diffusion, le podcast et des émissions à commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'Histoire. Demain, nous restons en Inde à la recherche du nationalisme hindou. Oui, d'où viennent les tensions d'aujourd'hui et nous déclinerons toute la semaine en allant à la rencontre d'Indira Gandhi et en faisant un petit tour au Cachemire.